Radiomatic. amorcer la transmission 4-2-6 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du duo anglais In the Nursery, formé des frères jumeaux Clive et Nigel Humberstone. De son album intitulé Praxis et paru en 2003, nous entendions la chanson Vocopolis à laquelle participe la chanteuse Dolores Margaret Sea. Et la musique se poursuit sans attendre. C'était le percussionniste Tom Skinner qui concluait cette séquence musicale avec sa composition de Journey, apparaissant sur son album Voices of Bishara, publié en novembre 2022. Notons que Tom Skinner est connu notamment pour être le batteur des formations The Smile et Sons of Kemet. Avant Tom Skinner, nous écoutions la version que nous offre le trompettiste Christian Scott de la pièce The Eraser, composée originalement par Tom York, le chanteur de la formation Radiohead. La reprise de cette pièce solo de Tom York apparaît sur l'album de Christian Scott intitulé Yesterday You Said Tomorrow. Et en amorce de séquence, c'était le trio composé par Pepe Angelillo au piano, Mono Hurtado à la contrebasse et Carto Brandan à la batterie de leur album Ressonor réalisé en 2021, nous écoutions la composition Buscador. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le groupe français Collection d'Arnel Andrea. We'll be right back. Oh, Il s'agissait à Audiomatic de la formation américaine LCD Sound System, menée par James Murphy, et sa composition Emotional Haircut. Cette pièce est tirée de son quatrième album American Dream, sorti en 2017. Précédemment à LCD Sound System, c'était le groupe Cat Vector, mené par Justin Bennett. Il nous interprétait la pièce Till Then, sur laquelle on peut entendre le chanteur Edward K. Spell, membre de la formation The Legendary Pink Dots. La chanson Till Then est extraite de l'album Figure 23 de Cat Vector, paru également en 2017. Et pour débuter, le groupe français Collection Darnell Andrea nous présentait la chanson Les Buis, tirée de son album Circe des Champs, lancé en 1996. C'est maintenant la formation E-Craft qui se charge de poursuivre la transmission d'Audiomatic. Thank you. C'est Audiomatic, nous venons d'écouter la formation danoise de Ravenettes et la pièce Heartbreak's Troll se trouvant sur le premier album Chain Gang of Love, paru en 2003. Avant cela, c'était la formation française Berrurier Noir et la pièce La Mère Noël tirée du mini-album Joyeux Merdier sorti en 1985. Et on amorçait la séquence avec le groupe E-Craft et la pièce Stars and Stripes apparaissant sur le premier album Digital paru en 1996 et la pièce se retrouve également sur l'anthologie The Roots publiée en 2012. En conclusion de cette transmission 426 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir la musique du projet britannique I Am X, incarné par Chris Corner, qui était leader de la formation Sneaker Pimps. Tiré de son deuxième album studio en tant que I Am X, The Alternative, sorti en 2006, nous écouterons la pièce Spit It Out, String Quartet Version. La prochaine transmission d'Audiomatic portant l'indicatif 427 sera diffusée mercredi prochain dès 17h en direct du studio de la radio C'est Fou 89.1 FM pour ensuite apparaître à même nos archives et accessible notamment sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc I Am X et la pièce Spit It Out String Quartet Version. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you.